Chapitre 27. La maison de campagne, les fraises, l'ornithorynque. Les arbres que j'avais choisis pour la construction de la métairie étaient plantés de manière à former un parallélogramme d'environ 24 pieds sur 16 et dont le grand côté faisait face à la mer. Comme je voulais avoir deux étages à cette habitation, je pratiquais dans ces arbres de profondes mortaises à 10 pieds du sol. J'y introduisis transversalement de fortes poutres qui me donnèrent une charpente solide et je répétai la même construction à une hauteur un peu moindre que la première au-dessus de ce plancher. Je fis ensuite un toit. Je le recouvris de morceaux d'écorce que je disposai comme des tuiles et que je fixai à l'aide d'épines d'acacia, car les clous nous étaient trop précieux pour qu'on les prodiguât. L'arbre qui porte ces épines les donne toujours réunies deux à deux. Elles sont si fortes, si solides, qu'on en pourrait faire une arme dangereuse. Nous enlevions indifféremment pour notre construction l'écorce de tous les arbres qui nous environnaient et avant de la mettre en usage, nous la faisions sécher au soleil en ayant soin de la charger de pierres pour l'empêcher de se tourner en rouleau. Franz, qui aidait sa mère à faire la cuisine, venait ramasser tous nos copeaux et les emportait pour alimenter le feu. Nous sentîmes soudain se détacher une forte odeur résineuse. Je quittai à l'instant mon travail et courus examiner avec attention les écorces. Je reconnus le térébinthe. Ma joie fut grande, car je savais que la térébenthine, mêlée à l'huile, fournit un excellent goudron. Mais nos trouvailles ne devaient pas se borner là, et j'entendis bientôt Jack crier « Mon père, mon père, voilà une écorce dont nos chèvres se régalent. Je crois que c'est de la cannelle. » Tous en voulurent goûter, et nous nous convainquîmes avec plaisir qu'ils ne se trompaient pas. Néanmoins, cette seconde découverte ne me parut pas d'une utilité aussi grande que la première, car notre cuisine seule pouvait en profiter. Cependant, ma femme annonça le dîner, et à peine avions-nous goûté les premiers morceaux que la conversation s'établit. Ernest, pourquoi donc, mon père, avez-vous témoigné tant de joie à les découvertes du térébinthe? Quel en est donc l'usage? Moi, on en extrait, mon enfant, une huile appelée térébenthine, dont les arts font un grand usage. Elle sert à faire un excellent vernis. Réduite en masse solide, elle constitue ce qu'on appelle de la colophane, et mêlée à l'huile, elle produit un goudron solide. Ainsi tu vois que j'ai eu sujet de me réjouir de ce nouveau bienfait de la Providence. Jack, mais la cannelle, mon père, la cannelle. Moi, elle ne peut guère servir qu'à satisfaire la sensualité de petits gourmands comme toi. Seulement si jamais nous trouvons occasion de faire le commerce avec l'Europe, nous en tirerons un bon parti, car cette écorce est fort estimée des Européens. Savez-vous comment on s'y prend pour lui conserver son parfum pendant les plus longues traversées? On réunit plusieurs brins d'écorce en petits paquets bien solides, qu'on coud d'abord soigneusement dans des sacs de coton. Ces sacs de coton sont recouverts de roseaux et le tout est revêtu d'une peau de buffle. De cette manière, la cannelle arrive sans avarie et avec toute sa saveur. Le dîner s'écoula au milieu de ces conversations et nous nous remîmes sur le champ à notre construction qui nous prit la plus grande partie de notre temps et à l'achèvement de laquelle nous nous employâmes avec zèle. Nous tressâmes les parois de notre cabane avec des lianes et autres plantes de même espèce, mais que nous serrâmes le plus qu'il nous fut possible afin de leur donner plus de solidité jusqu'à la hauteur de 5 pieds environ au-dessus du sol. Le reste de la construction fut rempli par un grillage bien moins serré qui laissait passer l'air et le vent, et nous permettait même au besoin de voir au dehors. Nous laissâmes pour porte une ouverture naturelle dans le côté qui regardait la mer. Quant à l'intérieur, voici quelles furent nos dispositions. Une séparation atteignant la moitié de l'élévation des murs le divisa en deux compartiments, l'un plus grand comportant la porte d'entrée pour nos bêtes, le second plus étroit pour nous abriter s'il nous prenait fantaisie de venir passer une couple de jours en cet endroit. Dans l'enclos destiné à nos bêtes, nous réservâmes pour nos poules un coin que nous entourâmes de palissades assez élevées pour qu'elles seules puissent les franchir. Nous remplîmes ensuite les deux compartiments de fourrage et la porte de communication de la bergerie à notre chambre devait être fermée pendant notre absence. Enfin, pour terminer, nous établîmes deux bancs de chaque côté de la porte afin de pouvoir nous y reposer en goûtant la fraîcheur de l'ombrage. Dans notre chambre, nous fîmes en outre une espèce de claie élevée d'environ 2 pieds au-dessus du sol et destinée à recevoir nos matelas et à nous servir de lit. Nous remîmes à un autre temps d'enduire nos murailles d'argile et de plâtre. Il nous suffisait pour le présent d'avoir donné à nos bêtes un abri provisoire. Afin de les habituer à s'y retirer le soir en rentrant du pâturage, nous avions eu soin de préparer une bonne litière et de mêler du sel à leur nourriture habituelle. J'avais cru que tous ces travaux seraient terminés en 3 à 4 jours, mais ils nous en prirent plus de 8, de sorte que nous touchions à la fin des provisions que nous avions apportées. Je ne songeais pas encore au retour, parce que je voulais établir une autre métairie dans le voisinage du promontoire de l'espoir trompé. Après bien des réflexions, je me décidai à envoyer Jack et Fritz à Falkenhorst pour y prendre des jambons, du fromage, des poissons, et en même temps renouveler la nourriture des animaux que nous avions laissés. Je leur fis emmener l'âne avec eux pour porter les provisions au retour, et ils partirent au galop, caressant l'échine du baudet de bons coups de fouet pour hâter sa marche. Au reste, il faut lui rendre la justice que son allure était devenue bien supérieure à celle des animaux de son espèce dans nos contrées. Pendant l'absence de nos deux fourriers, je résolus de faire un tour dans les environs avec Ernest pour tâcher de ramasser quelques pommes de terre ou quelques noix de coco. Nous nous dirigeâmes vers un petit ruisseau que nous avions remarqué dans le voisinage, près de la muraille de rochers, et qui nous conduisit dans un chemin que nous reconnûmes bientôt pour l'avoir parcouru une fois. Mais en le remontant quelque temps, nous ne tardâmes pas à arriver à un grand marais terminé par un tout petit lac d'un aspect agréable. En approchant, je reconnus avec joie que ses rives étaient bordées de riz sauvage, partie encore vert, partie en maturité. Nous fûmes singulièrement étonnés de voir s'envoler une foule innombrable de petits oiseaux que nous ne pûmes reconnaître. Nous lâchâmes quelques coups de fusil sur les retardataires et Ernest déploya en ce moment une adresse et un sang-froid dont je fus surpris. Mais notre chasse eût été perdue sans le chacal de Jack qui nous avait accompagnés. Il courut chercher les morts dans le marais et nous les apporta. Le singe, Knips, nous avait suivis. Nous le vîmes soudain s'élancer dans l'herbe, l'écarter des deux mains et porter à sa bouche quelque chose qu'il croquait avec une grande avidité. Nous courûmes à lui et nous reconnûmes avec bien de la joie que c'était des fraises. Cette fois, les hommes ne rougirent pas d'imiter le singe. Nous nous jetâmes à terre à côté de lui et nous nous rassasiâmes à loisir de ce fruit délicieux dont le parfum nous rappelait celui de l'ananas. Nous pensâmes alors à nos gens et nous remplîmes de fraises la hotte de Knips en ayant soin de la couvrir de feuilles et de les bien attacher, de peur qu'il ne lui prît envie de piller les fruits. Nous nous levâmes ensuite pour partir et j'eus soin d'emporter un échantillon de riz afin de faire partager à ma femme le bonheur de cette précieuse découverte et de me confirmer moi-même dans l'opinion que c'était bien du riz et non pas une autre plante. Tout en marchant, nous arrivâmes bientôt à l'endroit où le marais formait le petit lac dont la vue nous avait paru si agréable de loin. Les bords étaient semés de roseaux épais et longs de bleu et limpides étaient sillonnés par de magnifiques cygnes qui nageaient majestueusement et qui ne s'effrayèrent pas de notre approche. Ce spectacle était si doux et si agréable que toute notre passion de destruction s'assoupit et je ne formai d'autre projet que de m'emparer de deux petits cygnes vivants pour les naturaliser près de nous. Au même instant, je vis voltiger dans les roseaux, ou bien glisser à la surface des eaux, une multitude infinie d'oiseaux d'espèces les plus variées et fort beaux. Notre compagne Bill ne fut pas aussi généreuse que nous. S'élançant tout à coup dans l'eau, elle rapporta quelques moments après un animal qui nageait à fleur d'eau. Quelle singulière bête c'était! Elle ressemblait à une loutre. Ses 4 pieds étaient pourvus de membranes. Elle avait une longue queue poilue et redressée. Elle joignait à cela une toute petite tête avec des yeux et des oreilles presque imperceptibles. Mais ce n'était rien encore. Ce qu'elle avait de plus merveilleux, c'était un bec de canard adapté au bout de son museau et qui lui donnait un aspect si drôle que nous ne pûmes nous empêcher de rire. Jamais nous n'avions vu pareille créature. Aussi nous restâmes à nous regarder comme deux écoliers dont la mémoire est en défaut. Persuadé que nous trouvions un animal encore inconnu aux naturalistes, je lui donnai le nom de bête à bec. Schnabeltier. Chargés de ce nouvel animal, nous montâmes sur une petite colline afin de nous orienter et de bien diriger notre marche vers la métairie. Nous aperçûmes très bien de là le chemin que nous avions suivi en venant, et nous découvrîmes dans le lointain le bois des singes et celui des calebassiers. Mais comme je m'aperçus que notre absence s'était prolongée et que je ne voulais pas donner à ma femme trop d'inquiétude, nous nous remîmes en marche rapidement et nous fûmes bientôt auprès de notre bonne ménagère. Il y avait à peine un quart d'heure que nous étions arrivés quand je vis revenir de Falkenhorst, au grand trot de leur monture, mes fils Jack et Fritz. Nous les reçûmes avec joie. Ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, et j'appris avec plaisir que, non contents d'exécuter ponctuellement mes ordres, ils avaient pris sur eux d'accomplir beaucoup d'autres choses nécessaires. Il était temps de songer à notre pauvre volaille, car ces intéressants animaux avaient déjà mangé tout ce que nous leur avions laissé à notre départ. L'outarde était guérie de ses blessures, et Fritz avait eu grand soin de la panser. Il avait en outre laissé une quantité suffisante de fourrage et de provisions à tous nos animaux pour que nous puissions être encore 8 à 10 jours absents. Nous nous empressâmes alors de leur montrer ce que nous avions fait pendant leur absence. Ma femme et Franz avaient ramassé de la mousse pour nos lits. Pour nous, nous étalâmes ensuite nos fraises, notre riz, nos petits oiseaux et enfin notre bête merveilleuse qui fit ouvrir de grands yeux à tous mes enfants. J'ai appris plus tard que cet animal était l'ornithorynque, animal découvert pour la première fois dans un lac de la Nouvelle-Hollande. Après avoir fait un bon souper avec les provisions que mes fils avaient apportées, nous allâmes nous coucher dans notre cabane, accompagnés de tout notre bétail. Le lendemain matin, nous quittâmes la métairie à laquelle nous donnâmes le nom de Waldeck, abri de la forêt, laissant à nos colons toutes les choses nécessaires à leur subsistance. Mais nous eûmes toutes les peines du monde à nous séparer de ces bonnes bêtes qui voulaient à toute force nous suivre. Fritz fut obligé de rester avec l'onagre jusqu'à ce que nous fussions hors de vue. Alors, partant au galop, il nous eut bientôt rejoints. Chapitre 28. La pirogue, travaux à la grotte. Notre route nous conduisait directement à un bois semblable à ceux de la Suisse, notre patrie. À peine y étions-nous entrés que nous fûmes environnés de singes qui nous accablèrent de pommes de pin. Mais 2 ou 3 coups de fusil à mitraille nous délivrèrent de leurs attaques. Fritz ramassa un de ces fruits qu'ils nous avaient lancés et je reconnus l'espèce de pomme de pin dont l'amande, bonne à manger, donne une huile excellente. Pour en retirer l'amande, Fritz frappait avec une grosse pierre et en écrasait la plus grande partie. Je l'engageai à en faire une bonne provision, lui promettant de lui indiquer un moyen plus expéditif sitôt que nous pourrions nous arrêter en quelque endroit. La provision faite, nous nous remîmes en marche. Ayant aperçu une petite hauteur à quelque distance de la mer, nous résolûmes de franchir cette colline qui s'élevait à droite du cap. Parvenus au sommet, nous fûmes récompensés par une vue magnifique qui nous récompensa de la fatigue que nous venions d'éprouver. Déjà, je concevais l'idée d'établir une seconde métairie sur le bord d'un ruisseau, serpentant à travers un vert gazon et formant à peu de distance 2 ou 3 petites cascades. Je m'écriai avec admiration. « Oh, mes enfants, c'est ici l'Arcadie. Ne quittons pas ce lieu enchanteur sans y laisser une nouvelle demeure. » Ernest, c'est cela, mon père. Nous l'appellerons Prospect Hill, car j'ai vu qu'il y a, à Port Jackson, une colonie de ce nom où l'on jouit d'une vue délicieuse. Je souris à cette idée, quoiqu'en bon allemand je voulusse tout simplement l'appeler Schauenbach, mais le nom anglais du savant Ernest l'emporta sur le mien, et Prospect Hill fut adopté. Nous commençâmes, comme à l'ordinaire, par faire du feu pour satisfaire la curiosité générale au sujet des pignons. Ils furent étendus sur la cendre, et l'on se pressa autour du foyer pour attendre le résultat. Quand je les jugeai bien cuits, je les fis retirer avant que l'amande fût brûlée. Les enfants m'obéirent avec empressement, et les pignons se trouvèrent fort à leur goût. Mais ma femme ne vit dans tout cela que l'huile qu'elle en pourrait tirer. Le déjeuner fini, nous allâmes gaiement nous mettre à la construction de la nouvelle cabane, que nous disposâmes à peu près comme celle de Waldeck, mais qui fut plus promptement terminée et plus perfectionnée, parce que nous allions moins à tâtons. Relevée en pointe vers le milieu et penchée de quatre côtés, le toit ressemblait plus à celui d'une ferme européenne. Nous mîmes 6 jours à cette nouvelle construction, et nous eûmes un abri convenable pour les colons aussi bien que pour les animaux. Nous nous séparâmes alors pour nous répandre dans la contrée et chercher un arbre tel que je le désirais pour fabriquer une nacelle d'écorce. Après une longue course, je trouvai enfin un couple d'arbres à haute tige ressemblant à nos chênes d'Europe et qui convenait parfaitement à mes vues par la légèreté de l'écorce. Je cherchai d'abord dans ma tête les moyens de détacher ce rouleau d'écorce de 5 pieds de diamètre et de 18 pieds environ de hauteur. Après bien des hésitations, je m'arrêtai à celui-ci. Je fis monter Fritz sur l'arbre, avec mission de couper l'écorce jusqu'à l'aubier, à l'aide d'une petite scie près de la naissance des branches, tandis que j'en faisais autant au pied de l'arbre. Nous détachâmes ensuite une bande dans l'intervalle de ces 2 cercles, puis avec des coins nous séparâmes peu à peu l'écorce de l'arbre. Notre travail s'accomplit assez facilement, et après avoir ralenti la chute de notre morceau d'écorce avec des cordes, nous eûmes la joie de le voir heureusement étendu à terre. Je résolus alors, malgré l'impatience de mes fils, qui trouvaient ce travail trop long, de donner à ma nacelle la tournure élégante d'une chaloupe. Je commençai par faire avec la scie une fente longue de 5 pieds à chaque extrémité. Puis je réunis ces parties en les croisant l'une sur l'autre, de sorte qu'elles relevaient naturellement. Je les joignis solidement à l'aide de colles fortes et de morceaux de bois plats cloués sous l'ouverture, et les fixai de manière qu'elles ne pussent plus se séparer. Puis, craignant que ma nacelle ne s'évasât trop dans le milieu, je la retins à l'aide de cordes bien serrées à la largeur convenable, et dans cet état je la mis sécher au soleil. Il me manquait les outils nécessaires pour la façonner et y donner la dernière main. Je résolus de la conduire à Zeltheim sur la claie que mes fils allèrent chercher. Fritz et Jack partirent au galop avec leur monture et l'âne, qui devait au retour être attelé à la claie. Ils se firent cette fois accompagnés par les 2 jeunes chiens qui couraient déjà fort bien et aimaient mieux les suivre que de rester avec Franz, quoiqu'il les eût soignés depuis leur enfance. Et le pauvre petit pleurait de voir ses élèves lui échapper ainsi. Pendant leur absence, aidé d'Ernest, je me mis à chercher le bois nécessaire pour doubler ma pirogue. Nous eûmes le bonheur de trouver ce que nous cherchions, et en outre un arbre qui fournit une poix très facile à manier. Mes petits messagers ne revinrent que très tard, de sorte que nous ne fîmes autre chose, ce jour-là, que souper et nous coucher. Le lendemain, dès que le soleil fut levé, nous sortîmes de nos lits, et aussitôt après le déjeuner, nous parlâmes de partir. Mais avant de nous mettre en marche, nous allâmes arracher quelques plants d'arbres que nous voulions naturaliser à Zeltheim. Dans le cours de cette opération, nous découvrîmes des bambous géants. J'en coupai un pour nous servir de mât. Nous prîmes ensuite le chemin le plus court pour retourner à Zeltheim, où j'étais pressé d'arriver pour terminer la chaloupe. Nous nous arrêtâmes seulement 2 heures à Falkenhorst pour dîner. Arrivés à Zeltheim, nous nous occupâmes aussitôt de la nacelle, qui fut bientôt en état d'être mise à flot. Elle fut doublée partout de douves de bois et garnie d'une quille. Les bords furent renforcés de perches et de lattes flexibles, où furent attachés des anneaux pour les câbles et les rames. En place de l'est, je mis au fond un pavé en pierre recouvert d'argile sur lequel je posai un plancher où l'on pouvait au besoin coucher sans être mouillé. Au milieu, enfin, fut placé le mât de bambou avec une voile triangulaire. Ma nacelle fut ensuite calfeutrée partout avec de la poix et des étoupes, et de cette manière nous obtîmes une pirogue agréable et solide tout à la fois. J'ai oublié de dire dans le temps que notre vache avait fait un veau pendant la saison des pluies. Je lui avais percé les narines comme au buffle, afin de le conduire plus facilement, et comme je le destinais à nous servir de monture, depuis qu'il était sevré, je l'habituais à porter la sangle et la selle du buffle. Il était plein de feu et d'ardeur. Aussi Fritz me dit un soir, « Mon père, ne le dresserez-vous pas au combat, comme font les Hottentots ?» Ma femme, effrayée, me demanda si j'allais renouveler dans notre île ces affreux combats dont elle avait lu la description dans les voyages en Espagne. Je lui expliquai que ce n'était pas du tout la même chose. « Chez les Hottentots, lui dis-je, on dresse les taureaux à combattre les bêtes féroces. Dès qu'ils sentent l'approche de l'ennemi, Le taureau dressé en avertit le reste du troupeau qui se range en rond, les cornes en dehors, et ils font sur l'ennemi qu'ils mettent en fuite ou qu'ils tuent, ou auquel ils servent quelquefois de victime expiatoire. Je décidai ensuite que le conseil de Fritz serait suivi. J'avais d'abord eu l'idée de lui faire moi-même son éducation, tous mes fils ayant leurs élèves. Mais je réfléchis que mon petit Franz n'avait plus d'animal à soigner, et craignant que son caractère ne s'amollît en restant toujours près de sa mère, comme il faisait, je lui demandai s'il ne serait pas bien aise de dresser le veau. L'enfant accepta avec grande joie et baptisa son animal du nom de Grondeur, Brummer. Jack donna à son buffle le nom de Sturm, l'orage, et l'on appela les petits chiens Braun et Farb. Dès cet instant, Franz ne voulut plus que personne d'autre que lui s'occupât de son veau. Il lui donnait sa nourriture, l'embrassait, le conduisait partout avec une corde et lui réservait toujours la moitié de son pain, de sorte que l'animal, reconnaissant, s'attacha à lui et le suivit partout. Nous avions encore 2 mois devant nous, avant la saison des pluies. Nous les employâmes à travailler dans notre belle grotte pour faire une demeure agréable. Nous pratiquâmes avec des planches les divisions intérieures. Nous n'en manquions pas et nous en avions recueilli sur le navire de toutes préparées et toutes peintes. Nous confectionnâmes ensuite d'autres parois tressées en roseaux que nous recouvrîmes des 2 côtés d'une couche de plâtre. Pendant qu'il faisait assez chaud pour que notre ouvrage pût sécher promptement, nous couvrîmes le sol de notre demeure avec du limon bien battu, comme on fait dans les granges. Dès qu'il fut sec, nous étendîmes en dessus de larges pièces de toile à voile. Nous prîmes ensuite du poil de chèvre et quelque peu de laine de brebis. Le tout fut répandu sur toute l'étendue de la toile. Nous versâmes ensuite sur cette masse de l'eau chaude dans laquelle j'avais fait dissoudre de la colle de poisson. Nous roulâmes alors la toile que nous bâtîmes à grands coups. Nous recommençâmes plusieurs fois ce manège et nous obtîmes, de cette manière, des tapis d'une espèce de feutre d'une grande solidité. Ainsi, nous avions fait des pas immenses dans la civilisation. Séparés de la société, condamnés à passer peut-être notre vie entière sur cette côte inconnue, nous pouvions encore y vivre heureux. Soumis aux ordres de la Providence, nous attendions ce qu'il lui plairait d'ordonner pour nous. Près d'une année s'était écoulée sans que nous eussions aperçu aucune trace d'homme sauvage ou civilisé. Et comme la perspective d'une autre situation était trop incertaine pour nous donner le tourment de l'impatience, nos pensées restaient fortement tendues vers notre position actuelle. Chapitre 29. Anniversaire de la délivrance. Exercice gymnastique. Distribution des prix. Un matin, je me réveillai de bonne heure, et comme toute la famille dormait encore, il me vint dans l'idée de chercher à évaluer depuis combien de temps nous séjournions sur cette côte. À mon grand étonnement, je trouvai que nous étions à la veille de l'anniversaire du jour de notre salut. Je me sentis l'âme pénétrée d'un nouveau sentiment de reconnaissance, et je résolus de célébrer cette fête avec toute la solennité possible. Je me levai bientôt. Ma femme et mes fils sortirent aussi de leur lit, et on prépara le déjeuner. La journée se passa comme d'habitude, aux travaux nécessaires à notre conversation, et je ne parlais à personne de mes projets. Seulement après le souper, que j'avais avancé d'une demi-heure, je me levai et dis « Préparez-vous, mes enfants, à célébrer demain l'anniversaire de votre débarquement dans l'île. » Fritz ne comprenait pas pourquoi nous allions fêter cet anniversaire. Je lui fis sentir que c'était pour remercier Dieu de sa constante bienveillance, dont cette journée avait été en quelque sorte le prélude. Ma femme ne pouvait croire qu'il y eut déjà 1 an que nous vécussions ainsi isolés, et tous mes enfants s'accordèrent à reconnaître que le temps leur avait paru bien court. Je lui prouvai que je ne m'étais pas trompée en lui rappelant que nous avions fait naufrage le 30 janvier et que mon calendrier, que j'avais scrupuleusement consulté jusqu'alors, me manquait depuis 4 semaines. Je conclus en décidant qu'il fallait nous en procurer un autre. « J'y suis !» s'écria Ernest. Un calendrier comme celui de Robinson Crusoe, c'est-à-dire une planche à laquelle on fait tous les jours 1 cran. Justement, mon fils. Ma femme me demanda comment j'entendais célébrer la journée du lendemain. En élevant nos cœurs à Dieu, lui dis-je, nous ferons tout ce qu'il nous est possible de faire dans notre solitude. Peu de temps après, nous allâmes nous coucher, et malgré ce que je venais de dire, j'entendis mes enfants se demander à voix basse ce que papa avait résolu de faire le lendemain. Je ne fis pas semblant de les entendre, et nous fûmes bientôt tous endormis. Le jour commençait à peine à poindre qu'un violent coup de canon se fit entendre du rivage. Nous sautâmes de nos lits, pleins d'étonnement, et nous demandant ce que cela pouvait être. Je remarquai pourtant que ni Fritz ni Jack ne disaient rien. Je crus un moment que, profondément endormi, ils n'avaient rien entendu. Mais Jack s'écria bientôt « Ah ah, nous vous avons bien réveillé, n'est-ce pas ?» Fritz alors se leva et me dit « Il n'était pas possible de célébrer une si grande fête sans l'annoncer par un coup de canon, n'est-ce pas, mon père ? Aussi nous l'avons fait. » Je lui reprochai doucement de nous avoir effrayés en ne nous prévenant pas, et je lui fis remarquer qu'en usant ainsi notre poudre à des futilités, il nous exposait à en manquer bientôt. Nous nous habillâmes alors rapidement et nous allâmes prendre le déjeuner habituel. Toute la matinée se passa en prière, en conversation pieuse, et le temps s'écoula rapidement jusqu'au moment du dîner. Alors j'annonçai à mes fils que le reste de la journée serait consacré à des amusements de toute espèce. « Vous avez dû faire des progrès dans tous les exercices du corps, leur dis-je. Voici le moment où ces progrès vont être récompensés. Vous allez faire vos preuves devant votre mère et moi. Allons, brave chevalier, entrez en lice. Et vous, trompette, dis-je en me tournant vers le ruisseau où les oies et les canards prenaient leurs ébats. Trompette, sonnez le signal du combat. » Les pauvres oiseaux, effrayés de ma voix et de mes gestes, y répondirent par des cris perçants. Je laisse à penser si mes fils s'amusèrent de cet incident. Ils se levèrent tous en criant « Au champ ! Au champ ! Allons combattre ! Le signal est donné !» Je disposai alors les joutes en commençant par le tir au fusil. Un but fut aussitôt dressé. C'était un morceau de bois grossièrement travaillé, avec une tête surmontée de deux petites oreilles, une queue en crin, et que nous baptisâmes du nom de kangourou. Nous fîmes alors l'épreuve. Chacun de mes fils s'avança, une balle dans chaque canon de son fusil. Excepté Franz, trop petit pour prendre part à cet exercice. Fritz mit sa balle dans la tête de l'animal, Ernest en mit une seulement dans son corps, et Jack, qui ne le toucha qu'une fois, lui enleva une oreille, ce qui nous prêta bien à rire. Nous passâmes alors à un autre exercice. Je jetai en l'air, aussi haut que je pouvais, un morceau de bois, et mes fils essayaient de l'atteindre avant qu'il fût retombé. Je fus étonné de voir Ernest aussi adroit que son frère Fritz, mais Jack ne toucha pas. Mes fils prirent alors des pistolets et les résultats de leurs coups furent presque les mêmes. Vint ensuite l'exercice de l'arc qui devait nous être si précieux quand nous n'aurions plus de poudre. Je remarquai que mes aînés tiraient fort bien et le petit Franz lui-même avait déjà assez d'adresse. Après une pause de quelques moments, je fis procéder à la course à pied. Les coureurs devaient partir de la grotte pour aller jusqu'à Falkenhorst et en signe de victoire, le premier arrivant devait me rapporter un couteau que j'avais oublié sur la table près de l'arbre. Mes trois aînés seuls se mirent en ligne. Aussitôt le signal donné, Jack et Fritz partirent avec la rapidité de l'éclair et disparurent en un instant. Ernest les suivit bien plus lentement et les coudes serrés contre le corps. J'augurais bien de cette tactique et je pensais que le philosophe avait mieux raisonné que ses étourdis deux frères. Ils furent trois quarts d'heure absents, mais je vis bientôt revenir Jack monté sur le buffle et amenant avec lui le nagre et l'âne. Je courus au-devant de lui. « Oh, m'écriai-je, c'est comme ça que tu exerces tes jambes ?»« Ayant été vaincu, répondit-il, j'ai amené nos montures pour l'équitation. » Et bientôt après, je vis revenir Fritz, haletant et le front couvert de sueur. Puis à une distance de 50 pas environ, Ernest tenant le couteau en signe de victoire. « Comment se fait-il que tu reviennes le dernier, lui dis-je, et que tu rapportes le couteau ?»« La chose est simple, me répondit Ernest. » En allant, mon frère qui était parti comme un trait n'a pas pu tenir longtemps, et moi qui m'étais plus modéré, je l'ai dépassé. En revenant, il a profité de mon exemple, et comme il est plus âgé, il peut mieux résister que moi à la fatigue. Jack demandait instamment l'équitation. Je cédai à ses désirs, il lança son buffle au galop, le fit manœuvrer dans tous les sens avec une adresse remarquable, et se mit même debout sur son dos, comme font les écuyers des cirques. Ses frères se conduisirent aussi fort bien. Mais ils restèrent loin de lui. Le petit Franz entra lui-même dans la lice, monté sur son jeune taureau Brummer. Il avait une selle de peau de kangourou que lui avait faite sa mère. Ses pieds étaient soutenus par des étriers et il tenait en guise de reine deux fortes ficelles passées dans l'anneau de fer qui pendait au nez de sa monture. Ses frères se moquèrent un peu de lui et lui demandèrent s'il espérait triompher de Jack. L'enfant n'en tint aucun compte et partit au trot. Il fit faire à sa monture un cercle comme au manège et c'était merveille de voir comme l'animal obéissait complaisamment. Il trotta, galopa, sauta. Au milieu de ses plus rapides élans, il s'arrêtait court et immobile comme un mur. Il s'agenouillait au commandement, puis se relevait et se mettait à caracoler. Un cheval de parade bien conduit n'eût pas mieux fait. Nous étions tous dans un étonnement d'autant plus grand que tous ses progrès avaient été tenus secrets. Jack se promit bien de faire des cavalcades avec son frère et le petit Franz fut proclamé excellent cavalier. Le lasso vint ensuite. À cet exercice, Jack et Ernest se montrèrent plus adroits que Fritz, qui jetait sa fronde trop loin et avec trop de force. Nous terminâmes enfin la journée par la natation. Mais là encore, Fritz eut l'avantage. Il semblait vraiment se jouer avec les flots et être dans son élément naturel. Jack et Ernest restèrent bien au-dessous de lui, et Franz fit voir qu'il deviendrait par la suite un bon nageur. Quand tout fut terminé, nous nous hâtâmes de revenir au logis en suivant le bord de l'eau, tous mes fils marchant l'un après l'autre, le plus petit devant, le plus grand derrière. J'annonçai que des exercices aussi brillamment soutenus méritaient des récompenses, et dès notre arrivée nous disposâmes un tonneau couvert d'herbes et de feuilles pour servir d'estrade. Ma femme s'y tenait majestueusement assise. Après avoir donné à chacun de ses fils, rangés près d'elle, la part des loges qui lui revenait, elle leur distribua leur prix. Fritz eut celui du tir et de la natation. Il consistait en un fusil anglais et un couteau de chasse qu'il convoitait depuis longtemps. Ernest eut pour prix de la course une montre d'or. Jack eut une paire d'éperons et une cravache anglaise, et Franz, à titre d'encouragement, une paire d'étriers et une peau de rhinocéros pour s'en faire une selle. Ensuite, je me tournai vers ma femme et lui présentai un joli nécessaire anglais dans lequel se trouvaient réunis tous les objets utiles à une femme. Des accoudres, ciseaux, aiguilles, poinçons, etc. Ma femme, surprise et heureuse, vint m'embrasser et la journée finit comme elle avait commencé par un coup de canon. Nous allâmes alors goûter un repos dont nous avions tous besoin et le sommeil ne se fit pas attendre. Chapitre 30. L'anis, le ginseng. Peu de temps après cette fête, je m'aperçus que nous approchions de l'époque où nous avions commencé, l'année précédente, la chasse aux grives et aux ortolans qui étaient venus s'abattre en nuées si épaisses sur l'arbre de Falkenhorst et que ma femme avait conservé salé dans le beurre. Cette provision nous avait fourni durant l'année à diverses reprises d'excellents repas. Nous résolûmes donc de renouveler cette chasse avantageuse aussitôt que nous le pourrions. Nous allâmes visiter Falkenhorst et nous trouvâmes que les oiseaux étaient déjà venus en grande quantité. Aussi nous fîmes tous nos préparatifs de chasse et nous quittâmes Zeltheim pour nous rendre à la maison de campagne. Mais je ne voulais pas user de ma poudre pour de si petits oiseaux. Aussi je pris la résolution de faire la chasse aux gluots, comme les habitants des îles Peliou, qui prennent, avec des baguettes enduites d'une glu formée de caoutchouc et d'huile, des oiseaux beaucoup plus forts que les ortolans. J'en avais encore un peu au logis, mais j'en avais usé beaucoup, aussi je sentis le besoin de renouveler ma provision. Je donnai cette mission à Fritz et à Jack. Ils devaient du reste trouver la provision à peu près faite, car nous avions eu soin de laisser des calebasses au pied des arbres auxquels nous avions fait des incisions, et nous avions eu la précaution de recouvrir l'ouverture de feuilles, de peur que le soleil ne les sachât trop tôt. Mes enfants acceptèrent cette promenade avec joie. Ils sortirent leur monture de l'écurie, préparèrent leurs armes et, accompagnés des deux chiens, ils nous quittèrent au galop. Il y avait quelques instants qu'ils étaient partis, quand ma femme, se creusant le front, s'écria : « Oh mon Dieu, j'ai oublié de changer les calebasses de mes enfants. celles qui trouveront sont sans anse et ne peuvent se porter que sur la tête ou à deux mains. Je ne sais trop comment ils s'y prendront pour nous ramener la provision de caoutchouc sans en reverser au moins la moitié. Moi, eh bien, je n'en suis pas fâché. Les enfants seront obligés de recourir aux expédients et il est bon qu'ils s'habituent à ne pas trop compter sur les secours étrangers. Mais qui t'a donc empêché de le faire? Et pourquoi te tourmentes-tu si fort? Ma femme, c'est que je suis passée près de là. Du reste, elle n'était peut-être pas mûre. Moi, elle, qu'entends-tu par ce mot? Ma femme, et mon ami, laisse-moi donc me rappeler le lieu où je les ai plantés. Moi, mais quoi donc? Ma femme, c'est qu'à la place des pommes de terre que nous avions arrachées, j'ai planté des courges auxquelles j'ai donné diverses formes commodes. Les unes sont en gourdes, comme celles des soldats et des pèlerins, les autres ont un long cou. Moi, excellente femme, c'est un trésor pour nous. Mais allons les voir, le champ de pommes de terre n'est pas éloigné. Nous partîmes aussitôt, accompagnés d'Ernest et de Franz qui devaient nous aider. Au milieu des autres plantes, nous aperçûmes bientôt des courges. Les unes étaient mûres et se décomposaient déjà, les autres étaient encore vertes. Nous fîmes un choix parmi celles qui, en raison de leur forme, devaient nous être le plus utiles. Nous les disposâmes aussitôt à être employées. Après avoir fait une ouverture, nous commençâmes à détacher la chair dans l'intérieur avec de petits bâtons. Puis, y ayant versé une poignée de cailloux, nous les secouâmes fortement et tout le reste se détacha et sortit. Nous façonnâmes ensuite divers ustensiles. Ce travail nous occupa jusqu'au soir. Ernest me demanda alors la permission de changer son couteau contre un fusil et de tirer quelques coups aux ortolans du figuier. Mais je le lui défendis absolument, craignant que ces décharges ne fissent fuir nos oiseaux et ne nous privassent des provisions sur lesquelles j'avais compté. Soudain nous entendîmes un galop lointain et je vis bientôt accourir nos deux enfants qui nous saluèrent de bruyantes acclamations. Ils sautèrent à bas de leur monture et je me hâtai de leur demander « Eh bien, avez-vous été heureux ?» Fritz, oui papa, nous avons fait beaucoup de nouvelles découvertes. Voici d'abord une racine que je nomme racine de singe, puis une calebasse pleine de caoutchouc que j'ai recouverte de feuilles pour qu'elle ne versât pas en route. Jack, en voici une autre, et puis une marmotte ou je ne sais quelle bête. Voici de l'anis, et enfin, voici une calebasse pleine de térébenthine qui pourra nous servir. Ces paroles furent dites coup sur coup pendant qu'ils étalaient leur trésor. Tandis que nous les considérions, Jack reprit la parole. « Oh, comment je tourmais été vite! Figure-toi, Franz, que je pouvais à peine respirer tant il courait. Ah, maman, je n'ai pas eu besoin de vos éperons et j'ai presque été désarçonné. Ah, papa, il faudra des selles pour nos bêtes. » Moi, oui, certainement, mais nous avons d'autres occupations plus importantes. Ernest, Jack, ton animal n'est pas une marmotte, j'en suis sûr. Mais je ne sais trop ce que c'est. Moi, fais-le-moi voir. Jack, je l'ai trouvé dans une crevasse de rocher. Moi, c'est le cavia capensis des naturalistes, animal doux et curieux de la famille du genre des marmottes et qui a les mêmes habitudes. Mais où as-tu pris la plante d'anis et comment l'as-tu reconnue? Jack, j'ai cru d'abord que c'était tout autre chose, mais quand j'ai vu ce que c'était, positivement, j'ai pensé à l'anisette et je me suis empressé de le recueillir. La racine m'est restée dans les mains. Fritz prétendait que c'était du manioc. Néanmoins, j'en ai fait un paquet et je l'ai mis de côté. Tout en marchant, nous avons rencontré notre truie entourée de ses petits. Elle nous a reconnus et elle a mangé avec avidité de cette racine. Nous avons voulu l'imiter et elle nous a paru très désagréable. Moi, et d'où est venue cette térébenthine qui m'est bien plus précieuse que ton anisette? Jack, de ces arbres que nous avons remarqués dans notre premier voyage, au pied desquels j'avais eu soin de placer des calebasses. Moi, c'est bien, mon fils. Je me réjouis maintenant de vous avoir envoyé. Mais toi, Fritz, tu m'as parlé d'une racine de singe. Qu'est-ce? Est-elle bonne à manger? N'est-elle point dangereuse? Fritz, moi je ne le crois pas. Et si nous avions eu avec nous ton singe, mon cher Ernest, il est probable que nous eussions fait la découverte de quelques racines précieuses, car nous devons celle-ci aux collègues de Knips. Moi, un peu plus de clarté dans ton récit, mon enfant. Tes paroles sont comme celles des anciens oracles, enveloppées d'obscurité. Fritz, nous attendions les bras croisés que nos calebasses fussent remplies, quand Jack tira son coup de fusil sur la marmotte qui se trouvait entre lui et moi. J'interrompis vivement Fritz. « Mes enfants, m'écriai-je, je vous recommande expressément deux choses. D'abord, de ne jamais tirer quand un de vous se trouve près ou loin de la ligne du tir. Ensuite, de vous abstenir toujours de vous mettre dans celle d'un de vos frères avec la pensée que le coup ne portera pas si loin. » Fritz, avant de quitter la contrée, nous aperçûmes de petites figues, dont voici quelques-unes, et dont se nourrissait une espèce de pigeon que je ne connais pas. Nous nous dirigeâmes vers Waldeck, en suivant un petit ruisseau que nous vîmes bientôt se perdre dans un plus considérable, et nous atteignîmes ainsi un petit lac situé derrière notre métairie. Nous étions près d'y arriver, quand nous aperçûmes dans une clairière de la forêt une troupe de singes qui paraissait fort affairée. Nous approchâmes avec précaution, après être descendus de nos montures et avoir attaché nos chiens, et nous ne fûmes pas peu étonnés, en arrivant auprès d'eux, de les voir occupés à déterrer des racines. Ernest. Ah, déterrer des racines? Sans doute avec une pioche et une houe? Fritz. Oui, certainement, les uns avec leurs vilaines pattes, les autres avec des pierres pointues. Nous hésitâmes un moment, et Jack me pressait fort de leur tirer quelques bons coups de fusil. Mais je me rappelais que vous me blâmiez de vouloir tuer des bêtes qui ne me faisaient aucun mal, et je l'empêchais cette fois de tirer. Seulement, désireux de connaître la racine qu'il croquait avec tant de plaisir, nous allâmes détacher les Turcs et nous le lâchâmes sur les maraudeurs. Laissant là leurs racines, ils s'enfuirent, subitement, sauf deux qui furent éventrés. Mais nous n'en fûmes pas plus avancés, car nous ne pûmes reconnaître de quelle espèce était cette racine. Cependant, nous essayâmes d'en goûter. Elle nous parut d'un fort bon goût, légèrement aromatique. Mais tenez, voyez-vous-même, mon père, vous la reconnaîtrez peut-être. Nous l'avons nommée racine des singes, jusqu'à nouvel ordre. Tout le feuillage en est enlevé. Moi, je ne saurais vous dire d'une manière bien certaine ce que c'est, mais autant que je puis me souvenir des descriptions que j'ai lues, nous avons là le ginseng, cette plante si estimée en Chine. Fritz, qu'est-ce que ce ginseng? Et quelle est sa valeur? Moi, on regarde cette plante en Chine, lieu d'où elle est originaire, comme une sorte de panacée qui peut même prolonger la vie humaine. Dans ce pays, l'empereur seul a le droit de la récolter, et les endroits où on la cultive sont environnés de gardes. Cependant, elle croît aussi en Tartarie, et récemment on l'a découverte au Canada. Des planteurs de Pennsylvanie y ont naturalisé des boutures recueillies en Chine. Mais continue ton récit, Fritz. Fritz, quand nous eûmes goûté ces racines, nous remontâmes sur nos bêtes, et sans autre rencontre, nous arrivâmes à Waldeck. Juste ciel, quel désordre y règnait. Tout était brisé, renversé, dispersé. La volaille, effarouchée, fuyait notre approche. Nos arbres étaient courbés comme par un vent violent. Enfin, tout portait l'aspect de la désolation. Jack, oh mon père, si vous aviez pu voir comme les maraudeurs avaient tout pillé. Moi. Quels maraudeurs avez-vous trouvé? Quelques habitants? Cela me paraît bien extraordinaire. Jack. Ah bien oui, des habitants. C'était cette maudite troupe de singes. Fritz. Nous fîmes alors du feu près de la métairie pour préparer notre repas. Tandis que nous étions assis tranquillement l'un à côté de l'autre, nous entretenant de la malice de ces méchants singes qui avaient ainsi détruit tous nos travaux, nous entendîmes soudain dans l'air un grand bruit que nous reconnûmes bientôt pour celui que fait une nombreuse troupe d'oiseaux. En effet, nous les aperçûmes aussitôt se dirigeant vers l'endroit où nous nous trouvions, mais à une telle hauteur qu'ils paraissaient de petits insectes. Jack croyait que c'était des oies, à cause des cris qu'ils poussaient. Moi, j'opinais pour des grues. Nous cherchâmes de tous côtés un buisson ou un arbre qui pût nous cacher. Nous vîmes alors la bande approcher de plus en plus, descendre peu à peu en faisant des évolutions semblables à celles d'une armée bien disciplinée, et enfin se tenir à peu de distance de la terre, puis soudain remonter bien haut dans l'air. Après quelques moments de pareille manœuvre, qui avait sans doute pour but de s'assurer des dangers que pouvait offrir le pays, et rassurer, à ce qu'il paraît, sur ce point, la bande entière vint s'abattre à peu de distance de nous. Nous espérâmes faire une bonne chasse, et nous tâchâmes de gagner quelque endroit où nous puissions les tirer convenablement. Mais nous fûmes aussitôt aperçus par les avant-postes, et toute la troupe fut hors de portée avant que nous eussions eu le temps de les mettre en joue. Cependant, je ne voulus pas perdre une si belle occasion. Je déchaperonnai mon aigle, et le lançant sur un des fuyards, je le suivis au galop. Il s'éleva comme l'éclair dans les nues, puis se laissa tomber sur la malheureuse bête que j'ai apportée, et la tua, du coup. Un pigeon fut la récompense de sa bonne conduite. Ensuite, nous retournâmes promptement à Waldeck. Nous recueillîmes ce que nous pûmes de térébenthine et nous reprîmes le chemin du logis. Tel fut le récit de Fritz. C'était le moment du souper. On ne manqua pas de servir, sur la table, de l'anis et de la racine de ginseng. Je ne permis pas de manger beaucoup de ginseng, parce que cette plante aromatique, prise avec excès, pouvait devenir dangereuse.